seria. Was born a fool and never see. They don't have mothers. They do not have mothers. A great festival for black ass people was a very big success. Long live Nigeria. Long live Lagos. Long live Kaduna. Africa. Africa, my motherland. Long live. Long live to the second World Festival of African Art and Culture. Jamais vu ce festival, l'Afrique. Festival. La Kia Nedela. Wonderful Festival. La grande et bouillante Lagos abritait les festivités. Là-bas, Kaduna aussi couillait de multiples manifestations artistiques. Il faut avoir été pour mieux parler. À Lagos, le théâtre national, immensément construit, rayonnait de beauté. La fortune des temps l'ont édifié. Là-bas, le stadium et le stade Tafawa Balewa n'ont cessé d'émerveiller la foule des spectateurs de tous genres qui les avaient pris d'assaut et dont la curiosité avait magnétiquement attiré là pour découvrir ce qu'ils ne découvriront jamais s'ils n'étaient témoins eux-mêmes de ce que leurs yeux ont vu. Le village, à quelques kilomètres de la ville, abritait, logeait, nourrissait et assurait la sécurité des artistes de tout genre, des journalistes et guides du monde entier. Le grand chef d'État du Nigeria devenait pendant un mois le père et le chef du monde entier. Chacun avait sa place au cours de ce festin. Le ballet, le théâtre, la musique moderne, le griot, le folklore, la danse, le cinéma, l'exposition d'objets d'art, la poésie, la couture, enfin, tout ce qui peut être désigné du nom. Kaduna, la race séduit, émerveillé, conquis, égayé, instruit et immortalisé. L'art a fait une apparition merveilleuse au Nigeria. Lagos a bougé, Kaduna a bougé, l'art a triomphé. Vive le Saint-Pierre. Mondial des arts négro-africains. Vive le Nigeria! Vive les gosses! Vive Kaduna! Vive l'Afrique! Vive le festival 77 à Lagos! joli, joli, joli ce festival. Du jamais vu ce festival. Lara triomphe, l'Afrique aussi. Lara triomphe au festival. Festival, festival, Festa 77. Allez, gosse, c'était sans ça. Du jamais vu, Lara triomphe au festival. Joli, joli, joli, joli ce festival. Du jamais vu ce festival. L'Afrique était, l'Amérique aussi. Lara triomphé au festival. Festival, festival, Festa 77. Allez, gosse, c'était sans ça. Du jamais vu, Lara triomphé au festival. Joli, joli, joli, joli ce festival. Du jamais vu ce festival. L'Afrique était, l'Amérique aussi. Lara triomphé au festival. Festival, festival, Festa 77. Allez, gosse, c'était sans ça. Du jamais vu, Lara triomphé au festival. Joli, joli ce festival. Du jamais vu ce festival. L'Afrique était, l'Amérique aussi. Lara triomphé au festival. Festival, festival, Festa 77. Allez, gosse, c'était sans ça. Tu jamais vu Lara triomphé au festival. Merveilleux ce festival. Choisis-la.